Saint-Père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bible des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Tatiana Doronet et je vais vous raconter l'histoire de Zelda et les abeilles. Les insectes qui bourdonnent font ce bruit zzz, et ça ressemble au début de son prénom, Zelda. Zelda, Zelda. Et ce n'est pas drôle du tout, parce que Zelda déteste les insectes. Surtout ceux qui font zzz, justement. Zelda déteste les guêpes, les bourdons, les frelons, les abeilles. Elle les déteste depuis toujours, depuis qu'elle sait que ces bestioles peuvent la piquer. L'année dernière, lors d'un pique-nique avec sa famille, c'est elle qui a été piquée par une guêpe. Elle, pas son frère, ni sa sœur, ni ses parents, elle. Une horrible guêpe s'était logée, comme par hasard, dans sa sandale. Jamais elle n'oublierait la douleur fichée dans la plante de son pied, à cet endroit tendre, fragile et si chatouilleux. Douleur qui s'était transformée en brûlure, l'obligeant à boitiller pendant plusieurs jours. Depuis, dès que Zelda entend ce son, ce zzz, elle s'enfuit en hurlant. Il n'y a rien à faire. Elle redoute les séjours à la campagne chez sa grand-mère. L'hiver lui paraît moins dangereux car il y a moins d'insectes. Tout devient pénible au beau jour. Surtout lorsque sa grand-mère met la table dehors, sous le grand tilleul. Horreur ! Sous le tilleul, Zelda n'entend qu'un immense et profond zzz, sonore comme une musique solennelle, décuplée par des milliers d'insectes qu'elle voit virevolter entre les feuilles. Elle en perd son appétit, cramponnée à sa fourchette, incapable d'avaler. Granny la surveille du coin de l'œil. Granny remarque toujours tout. Sa grand-mère est anglaise. Elle n'a jamais perdu son accent britannique, même si elle a épousé un Français, le grand-père de Zelda, et même si elle vit en France depuis longtemps. « Zelda, darling, pourquoi tu ne manges rien ?» Tu es toute pâle. Zelda n'ose pas dire qu'elle a peur de ces insectes qui font zzz. C'est son petit frère, Raphaël, qui s'en charge. Zelda, elle a peur des guêpes qui sont tout là-haut. Elle a peur de se faire piquer. Zelda foudroie son frère du regard. Maintenant, c'est elle qui passe pour un bébé. Elle pique du nez dans son assiette, honteuse. Ce ne sont pas des guêpes, Raphaël. Ce sont des abeilles, dit Granny, tout en observant sa petite fille. C'est la même chose, marmonne Zelda. Une abeille, c'est pareil qu'une guêpe. Ça pique et ça fait mal. Granny sourit avec douceur. Non, ce n'est pas la même chose, darling. Je vais te montrer la différence. Après le déjeuner, Granny emmène Zelda dans le salon. Elle choisit une grosse encyclopédie qui a l'air très ancienne. Zelda aime bien regarder les jolies mains fines de Granny tourner les pages. Voilà, regarde, l'image de la guêpe et l'image de l'abeille. Zelda étudie les deux. Elle ne peut s'empêcher de faire la grimace. Granny lui fait remarquer que la guêpe est plus grande. Elle est jaune et noire, avec des rayures très nettes. Elle est plus longue et plus fine que l'abeille. Zelda connaît-elle l'expression « une taille de guêpe » Eh bien voilà, la taille de la guêpe est toute mince. Et l'abeille, elle, est plus ronde. Moins jaune, plus doré. Ses rayures moins visibles. Ses ailes sont plus rondes aussi. Elle est couverte d'un petit duvet, alors que la guêpe n'en a pas. Granny prend Zelda par la main. Viens, darling. On va aller dans le jardin et tu verras la différence. C'est important que tu saches reconnaître une guêpe et une abeille. Mais pourquoi ? Zelda n'a aucune envie d'aller dehors et de se confronter aux zzzz. Parce que les abeilles sont nos amies. Nos amies très, très précieuses. Granny semble déterminée. Elle emmène Zelda devant le grand tilleul. Nos amies? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Granny? Comment les abeilles peuvent-elles être nos amies? Zelda ne comprend rien. Granny lui dit de se détendre, de regarder les abeilles travailler, car c'est ça qu'elles font. Elles travaillent. elles ne font pas juste zzz. Elles mangent le pollen des fleurs, une sorte de sucre qui se trouve dans les plantes. C'est ça qu'elles sont en train de faire tout là-haut. Elles butinent dans les fleurs du tilleul. Elles rangent le pollen dans des petits sacs spéciaux qu'elles portent sous leurs ailes et hop, elles ramènent tout dans leur maison, qu'ils appellent la ruche, pour nourrir les bébés abeilles qui ont été pondus par la reine. Oh, Zelda n'en revient pas. Quoi ? Les abeilles ont une reine ? Yes, darling, dit Granny. Une reine ou une queen, comme dans mon pays. Je veux voir, dit Zelda. Je veux voir la reine des abeilles. Granny s'amuse de l'impatience de sa petite fille. Elle lui dit que la reine est protégée dans la ruche, qu'on ne peut pas la voir. Les abeilles piquent pour défendre leur reine ou leur ruche, mais elles ne sont pas agressives. Elles ne peuvent piquer qu'une seule fois. Et en le faisant, elles meurent, car leurs dards s'arrachent de leur corps. Fascinée, Zelda s'approche avec Granny d'une branche basse du tilleul, où les abeilles virevoltent autour des bourgeons. Elle voit les petits sacs jaunes sous leurs ailes, remplis de pollen. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire avec tout ce qu'il y a dans leurs petits sacs ? Du miel, darling. L'être humain est incapable de faire du miel. Il n'y a que nos amis les abeilles qui savent faire du honey. Et c'est pour ça que tu dis que les abeilles sont précieuses, à cause du miel ? Granny lui explique que les abeilles ont une importance capitale dans notre monde naturel. Parce qu'elles vont de fleur en fleur, elles permettent aux plantes, aux fruits et aux légumes d'exister. Elles doivent se battre contre tellement d'ennemis. Les insecticides trop puissants, les autres bestioles méchantes qui veulent leur peau, comme le varon ou le frelon asiatique. Et de plus en plus d'abeilles meurent. C'est dramatique, dit Granny. Et elle a vraiment l'air triste. Si toutes les abeilles disparaissaient, l'homme n'aurait plus que 4 ans à vivre sur Terre. C'est Einstein qui a dit ça, un grand physicien. Granny marche sur la terrasse à présent, suivie de Zelda. Il fait beau, le soleil brille. Granny s'arrête devant le grand champ de lavande. Elle fait remarquer à Zelda le nombre impressionnant d'abeilles au travail. Zzzz. L'une d'elles s'approche. Et Granny lui fait signe de ne pas avoir peur. Si on a des gestes brusques, alors les abeilles se sentent menacées. L'insecte vole autour d'elle et se pose tout doucement sur le bras de Granny. Celle-là est pétrifiée. Granny reste parfaitement calme. L'abeille se promène sur le bras de sa grand-mère, tranquillement. Zelda n'en revient pas. La voici à présent, nichée dans la paume de sa grand-mère. « Oh, elle va pas te piquer ?» chuchote Zelda. « Non, dit Granny. Elle sait que je suis son amie. » Et Granny lui parle à cette petite abeille. Et on dirait que l'abeille l'écoute attentivement. Granny lui dit comme elle est jolie et courageuse et comme elle fait bien son travail. Zelda détaille l'abeille, son corps duveté, ses rayures brunes et dorées, ses petites ailes frémissantes. Elle voit 2 grands yeux noirs et brillants qui semblent la regarder avec douceur. Elle a encore un peu peur, mais pas trop peur. Elle aussi, elle veut parler avec l'abeille. Elle aussi, elle veut être l'amie des abeilles. Alors, elle lui dit « Bonjour, petite abeille. Je m'appelle Zelda. » Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Night, night.